Commencement de la guerre civile. Voici dans l'ordre des faits le résumé de ce qu'il fit ensuite. Il occupa d'abord le Picénum, l'Ombrie et l'Étrurie. Lucius Domitius, que dans ses troubles on lui avait donné comme successeur, s'étant enfermé dans Cophernium avec une garnison, César le contraignit de se rendre à discrétion, le renvoya, et longeant la mer supérieure, marcha sur Brindes, où les consuls et Pompée s'étaient enfuis, dans le dessein de passer au plus tôt la mer. Après avoir tenté inutilement pour empêcher l'exécution de ce projet, César se dirigea sur Rome, convoqua le Sénat pour délibérer sur la République, et marcha contre les meilleures troupes de Pompée qui étaient en Espagne, sous les ordres de trois lieutenants, M. Petreius, L. Afranius et M. Varron. Il avait dit à ses amis en partant « Je vais combattre une armée sans général, pour venir ensuite combattre un général sans armée. » Quoique retardé par le siège de Marseille, qui sur sa route lui avait fermé ses portes, et par une extrême pénurie de vivres, il lui fallut peu de temps pour tout soumettre.